l'amour ça nous tue, ça touche trop les gens. La main tu vends la pure, fais partie des méchants. C'est des légendes, tu fais pas de shopping sur les champs. On n'est pas du même camp, tout ça je le vois avec le temps. Trop d'amour ça nous tue, ça touche trop les gens. La main tu vends la plus pure, fais partie des méchants. C'est des légendes, tu fais pas de shopping sur les champs. On n'est pas du même camp, tout ça je le vois avec le temps. Hypnotisé par la musique, mon amigo monte le son. Paranoïaque on est tous, souvent c'est instable dans nos vies. Si tu m'aimes, suis-moi en vrai, je parle pas d'Instagram ma chérie. Loin d'être riche, pense que millionnaire, on sera qu'en Algérie. J'ai maigri, perdu du poids, j'ai trop de courbatures dans le dos. Les péchés qu'on a commis reviennent toujours au bord de l'eau. Comme un bégon, je pète la dalle, t'étonnes pas de nous voir monter haut. Sept chiens dans la BST, trois kahba dans la Mondeo. Deux clopes, ma boisse, un pétard, longtemps que je m'en fume sans être pété. T'étais pas là au départ et genre c'est moi je vais regretter. Y'a pas de mi-temps au mi-tard, on n'est plus jugé sur les faits. Différencie plus le vrai du faux, pour ça que les mensonges font effet. Trop d'amour ça nous tue, ça touche trop les gens. Zarma tu vends la pure, fais partie des méchants. C'est des légendes, tu fais pas de shopping sur les champs. On n'est pas du même camp, tout ça je le vois avec le temps. Comme les manouches, les un coup sortent la carabine. Trahis une fois sur toi, gros c'est une croix à vie. C'est que les salopes, ils ont peur devant le gabarit. Y'en a peu qui investissent, mais beaucoup font les Qataris. Ils se prennent tous pour Gennaro, Tony, Manuel, Chapeau. Remets les 200 piges avant, ils se réputent la Gestapo. À l'ancienne dans la Zup, on faisait des tours en chapitre. Les gratteurs, c'est les voleurs qui la retournent très tard la ville. Un bon coup, on se fait la mort. Faut pas leur dire quand on se bat. Je vais pas leur dire quand j'ai mal. On est passé plus de chez Soumise. Trop d'amour ça nous tue, ça touche trop les gens. Zama tu vends la pure, fais partie des méchants. C'est des légendes, tu fais pas de shopping sur les champs. On n'est pas du même camp, tout ça je le vois avec le temps. Apparemment on veut tous bolide allemand. Le compte blindé jamais découvert dans le monde. Mais dans ma rue les gens vivent pas légalement. Rassurez-moi pas vous les frères, faut jamais pisser contre le vent. Nous l'on vient, mon bon pote tout s'achète. Ça la presse la gâchette, au final même pas de gros cachet. Trop d'envieux, j'suis même pas ce que j'aurais dû être. Ils me laissaient sur le tech, aujourd'hui m'invite à la fête. C'est chaud les mecs, ils m'entendent plus si j'jure la mec. Envoie le ballon comme avoir droit dans la lunette. On reste unis, bientôt l'élève dépasse le maître. 6-9 et c'est les hommes, très loin de ces salopes t'as le net. Trop d'amour ça nous tue, ça touche trop les gens. Zama tu vends la pure, fais partie des méchants. C'est des légendes, tu fais pas de shopping sur les champs. On n'est pas du même camp, tout ça je le vois avec le temps. Trop d'amour ça nous tue, ça touche trop les gens. Zama tu vends la pure, fais partie des méchants. C'est des légendes, tu fais pas de shopping sur les champs. On n'est pas du même camp, tout ça je le vois avec le temps.